On va parler avec le gardien de but originaire d'Allemagne, Samuel Harvey. Bonne nouvelle au cours des derniers jours. Samuel qui a signé une entente avec l'organisation de Las Vegas, les Golden Knights de Las Vegas. Salut Sam! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui Samuel, d'abord, l'année passée avec les Sharks, c'était un essai hein, que tu avais eu. Hein, puis ça avait commencé avec l'organisation des Sharks, puis ça a bien été. Mais est-ce que vraiment, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as signé avec Vegas? L'année passée, exactement, j'ai signé un essai avec l'organisation de Sharks pour l'année. Okay. Ça avait super bien été, j'avais eu des bonnes games, j'ai appris beaucoup. Puis là, par la suite, là, cet été, on a décidé de signer avec les Cards de Fort Wayne à East Coast, qui appartiennent, oui, à Vegas, à Las Vegas dans la Ligue nationale, mais mon contrat est d'un volet seulement dans la East Coast. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais il y a une autre équipe ailleurs qui a besoin d'un gardien de but, que des gardiens qui se blessent durant l'année et tout ça, ben je peux quand même aller ailleurs. J'appartiens pas nécessairement à Vegas, mais l'équipe en tant que telle est affiliée avec Las Vegas. OK. Donc, Samuel, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Hein. Ça avait bien été dans la Ligue américaine l'année passée. Exactement, ça a très bien été. J'ai eu des très, très bonnes games. J'ai eu des bons résultats tout ça. L'affaire, c'est que c'est un peu toujours un jeu de contrat là-dedans. Je pense que les Sharks avaient déjà 5 contrats de données pour des gardiens de but pour cette année. Donc, c'est sûr que ça me donnait un petit peu moins d'espace là, pour rentrer dans dans les Canadiens ou dans leur histoire à eux autres. Fait que c'est comprenable. T'sais, eux, ils avaient des contrats également. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, je ne peux pas revenir avec eux autres. Je pense que j'ai eu quand même une belle carte de visite. C'est juste que pour cette année, ça marchait un petit peu moins. OK. Dis-moi, Samuel, est-ce que il y avait d'autres organisations aussi qui te courtisaient? Oui, je pense qu'on a eu d'autres organisations qui m'ont courtisé. Par contre, quand on s'est assis avec mon agent, on a discuté, je pense que les Comets de Fort Wayne, c'est une des très bonnes organisations dans la Ligue. Ils ont gagné l'année passée, ça fait 70 ans qu'ils sont dans cette Ligue-là, puis j'ai juste entendu des bons commentaires concernant l'organisation. Fait que pour moi, c'était vraiment de me placer dans une organisation qui avait de l'allure, qui voulait gagner cette année, qui voulait me faire jouer également. Fait que pour moi, c'était important de jouer cette année, surtout que l'année passée, j'ai pas joué énormément de matchs. Je peux vraiment jouer beaucoup de matchs au niveau professionnel pour m'améliorer. OK. Donc, est-ce que tu dis, t'es pas mal sûr d'avoir un poste de gardien de but numéro 1 là-bas? Là. T'as rien promis, j'imagine, mais c'est à toi le gagner, mais t'as vraiment des bonnes possibilités, c'est ça? Exactement. T'sais, on m'a rien promis, c'est à moi de le gagner. Par contre, le poste est libre. L'autre gardien de but qui est avec moi est exactement dans la même situation que moi. Ça va être un des deux là, de prendre la place de numéro 1, de bien jouer. Pour ma part, je vais me concentrer sur mes performances. Par la suite, on va voir ce qui se passe. D'habitude, là, quand tu joues des bons matchs, quand tu es capable de faire gagner ton équipe, là, ça va toujours bien. OK. Si on parlait un peu, donc est-ce que tu t'es présenté? Tu es déjà à Fort Wayne? Est-ce que... Non, je suis encore à Rouyn-Noranda en ce moment. Là, cet été, je me suis acheté une maison à Rouyn-Noranda. Okay. Donc, encore là, je finalise ma préparation. Notre camp d'entraînement qui commence le 10 octobre, c'est quand même tard, mais la East Coast commence plus tard que la Ligue nationale et la Ligue américaine. Donc, pour moi, c'est le 10 octobre là-bas, puis après ça, notre saison va commencer le 23 octobre. OK. Si on parlait un peu donc de la East Coast, on va la connaître pas mal plus cette année parce qu'il y aura des matchs, c'est la même ligue que les Lions de Trois-Rivières, donc il y aura des matchs à TVA Sports. Tu viens pas à Trois-Rivières, hein? Exactement. Pour cette année, notre calendrier est sorti, puis notre section, là, on va pas, on visite pas Trois-Rivières, puis Trois-Rivières nous visite pas. Le seul moyen qu'on pourrait jouer contre eux, c'est si en séries éliminatoires, on viendrait qu'à se rencontrer. OK. Le calibre, c'est amélioré beaucoup quoi, au fil des années. Hein? Exactement. Il y a plusieurs organisations là, de plus en plus qui font confiance là, aux organisations dans East Coast pour développer leurs joueurs, leurs jeunes joueurs. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs de talent. Il y a également beaucoup de joueurs qui ont roulé leur boss au niveau professionnel, qui veulent encore jouer au hockey, puis c'est d'excellents joueurs. Donc oui, c'est un excellent calibre, puis j'ai moi-même vraiment hâte de le découvrir parce que l'année passée, j'étais dans la Ligue américaine, puis je pense que ça peut être là, vraiment un bon tremplin pour moi. Ça a été un très bon tremplin pour plusieurs joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, donc pour moi, je vais me servir de cette expérience-là pour devenir meilleur, c'est sûr. Samuel, un gros merci, au plaisir de se reparler, puis on va se reparler durant la saison pour voir comment ça va. Parfait, c'est ça. Merci beaucoup, Danny. Samuel Harvey d'Alma qui sera le gardien de but de l'équipe de Fort Wayne, filiale des Sharks de San Jose.